Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours? Que l'eau soit libre ou en fontaine, qu'elle soit pure et claire, qu'elle soit sombre, diluée dans le sang de nos veines, chaude et brûlante, froide comme une ombre, l'eau coule, s'infiltre, insaisissable, comme s'enfuit le temps indomptable. Qu'elle soit l'eau qui dort aux fontaines, où se baignent de nues naïades, bouillonnant en fond de cascades, ou courant le rue d'une plaine. L'eau coule, s'infiltre, insaisissable, comme s'enfuit le temps indomptable. Giclant des antiques fontaines, jaillissant des pierres usées, rafraîchissant les plaies des peines, éclaboussant nos corps blessés. L'eau coule, s'infiltre, insaisissable, comme s'enfuit le temps indomptable. Glissant sous l'aine des fontaines, éructant des bouches geysers, ravinant les sentiers déserts, libre, l'eau court la prête antenne. Et la vie coule, insaisissable, comme le temps s'enfuit, indomptable.